Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On part pour l'Alberta pour écouter la musique canadienne de Kiwan en cavale. Et on passe par avec Nicolas Duchamp. On a aussi la chronique sur l'Hélix, puis la chronique sur un fait. Fait qu'à un moment donné, des gradés qui en veut ça en flas, hein? Assemblage requis maintenant. Bon matin et bienvenue à notre semaine d'assemblage requis en ce lundi 27 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Passez une belle fin de semaine, François. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Pas chargé, toi? Ouais, tu sais, pas très chargé, mais comme le fun. Une belle fin de semaine. Ça passe vite encore. Ah, toujours, hein. Eh bien, mais on va finir le mois de février très bientôt, donc on va embarquer dans le mois de mars, là. Hein? Ouais, exactement. On aime ça, avoir du plaisir. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on n'a pas de Xavier Antoard, donc pas de collectivité. Non, on goûtera à rien aujourd'hui. Non, ça c'est plat. Non. Mais par contre, on va avoir la présence de Kiwan en direct de l'Alberta pour sa chronique Kiwan en cavale. Il va nous présenter de la musique canadienne comme il aime tant le faire à chaque semaine. Oh, j'ai hâte d'entendre. J'ai des exemples de choses qu'on va entendre. Comme quoi? Memory House okay. Et Intensive Care. Intensive Care. Wow. Ensuite, à la fin de l'émission, à 8h30, on aura Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Pour nous parler des sports, et on va parler Patriotes Hockey, qui disputait d'ailleurs un match crucial, à savoir si on gagnait ou pas. Ça va être vers les 8h30. Scoop! Alors, on aura aussi la chronique CNX avec les nouvelles geeks de la fin de semaine, et aussi, c'est un fait. OK. C'est un fait. Et aujourd'hui, dans C'est un fait, je vous fais un spécial animaux. Animaux et environnement. Okay. Des choses qui se tiennent dehors, d'habitude. C'est un fait. Ce sera vers les 8 heures pour remplacer Xavier. Ah. On commence avec la musique de Salomé Leclerc, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est la première fois qu'on l'écoute à Assemblage requis. Elle commence très bien l'émission parce qu'elle est très calme. Faut pas vous brusquer trop ce matin. Voici. Garde-moi collé. Oh. On s'en mitouffe, là. Et on écoute ça. Garde-moi collé. Ça commence comme ça de même. Ça commence comme ça. Comme ça. Ici. Ici. Ah. Oh. C'est ça. Ouais. C'est lundi matin pour tout le monde. Écoute-moi, observe-moi. Garde-moi. Aspire-moi, préfère-moi, garde-moi collé. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Enferme-moi, protège-moi.

and easy, find a nice old country home. Let the land do what she wants to, leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields, and thank that little voice inside my head for such good company. La pièce If I Get Old de Elliot Broad à Assemblage Rocky sur C'est Fou. C'est le deuxième extrait de l'album Days into Years et le premier extrait était Northern Air. Voilà pour ça. C'est bon ça. Oui, on aime ça. On aime beaucoup Elliot Broad. Oui, ça commence l'émission calme quand même. Tout en c'est étant bon. Joué. C'est ça, c'est bon. Alors, on va entendre du Malajube dans quelques secondes. Le temps de vous dire que Kiwan s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique Kiwan en cavale. On va parler de musique canadienne comme toujours. Et on va parler de température. Ah oui? En Alberta, c'est pas pareil comme ici. Hein? Non, vraiment pas. On s'en rend compte à chaque semaine. Notre dimension. Oui. Ouais. Donc, Malajube, Cro-Magnon, à l'instant. Malajube, Cro-Magnon sur l'album La Caverne à Assemblage Rocky. Moi, j'aime cette petite fin-là. Ouais, c'est tranquille. Je sais pas si on l'entend bien. Je sais pas, hein? Mm-hmm. Ouais. Bon, vous levez le son, j'aime bien ça. ça va me réveiller à matin, ça. Ouais. Faut ça, des fois. Donc, toujours Assemblage Rocky. Maintenant, on monte dans le canyon. François, est-ce que tu... Ouais, embarque, ma belle. École, non? École. Voici Kiwan en cavale. Bon matin, Kiwan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien? Ça va bien, et vous? Oui. On s'ennuie de toi? Oui. Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein? Ça fait 2 semaines, je pense. 2 semaines. Ben oui, 2 semaines. Ben c'est comme ça, à un moment donné, hein, quand quelqu'un s'éloigne, soudainement, tu t'ennuies plus et t'as plus hâte de le revoir. Et quand il est revenu, ben t'as plus de fun avec. Hein? C'est ça? Bon, ben j'espère que vous allez bien apprécier celle-là aujourd'hui, cette chronique, même si elle est un petit peu courte. J'avoue qu'après aussi longtemps d'absence, j'aurais pu faire un spécial de 2 heures, mais... Okay, ouais. Non, ça va être quand même assez court aujourd'hui. D'accord, de quoi tu nous parles? Je vous parle de 2 groupes canadiens, comme d'habitude. Donc, premièrement, Memory House, qui est un groupe de Toronto. Je sais pas si vous connaissez assez fou Memory House. Non. Je sais que ça fait déjà quelques années qu'ils font de la musique. Le groupe, en fait, s'est formé il y a environ 5 ans. C'est un duo, en fait, qui est formé de Evan Abiel et Denise Nouvion. Pas Denise. Denise. Hey, ma mère s'appelle Denise. Oh, Denise. Bonjour à Denise. On le sait. Donc, c'est un duo qui s'est formé il y a environ 5 ans. C'est en fait, Evan, lui, est un musicien de formation classique et Denise est une photographe et des vidéastes, en fait. Et à la base, le duo, c'était un projet qui devait seulement servir à unir leurs 2 talents pour faire des films. En fait, ils étaient supposés faire de la musique qui accompagnerait les montages photos et les courts-métrages de Denise. Et finalement, ben le projet a bien fonctionné. Donc, ils ont décidé il y a quelques années de faire un petit EP qui s'appelait The Years. Et ce EP-là a été repris l'automne dernier, il y a quelques mois seulement, a été repris par la compagnie de disques Sub Pop de Toronto. Donc, ils ont réédité l'album, ça a bien marché. Et puis là, ils s'apprêtent déjà à sortir un premier album complet. L'album va sortir en fait cette semaine, le 28 février. L'album s'appelle The Slideshow Effect. Et donc, il est lancé sous l'étiquette Sub Pop Record. Et d'ailleurs, cet album-là, vous pouvez l'écouter en entier présentement. Il est en streaming sur le site www.spin.com. Et vous pouvez écouter l'album au complet présentement de Memory House. Évidemment, on va mettre le lien sur assemblagerequis.com aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà pour le premier groupe. J'ai oublié de dire, le groupe... malgré qu'ils soient quand même assez jeunes, qu'ils s'apprêtent seulement à sortir leur premier album. C'est pour ça que je me demandais si vous le connaissiez assez cool, parce qu'ils ont déjà une grosse tournée qui décolle la semaine prochaine. Ils vont faire plusieurs dates aux États-Unis. Ensuite, ça va en Europe. Ils partent pour environ 1 mois, là, faire une vingtaine de spectacles aux États-Unis et en Europe. Donc, moi, c'est un groupe que je connaissais pas. Donc, je me disais peut-être que ça allait juste échapper à mon radar. Non, ben il y a des albums qui ne se rendent jamais jusqu'à nous. Mm. C'est triste. Ah, voilà. C'est quand même loin, Trois-Rivières, c'est pour ça. Donc, voilà pour Memory House. Maintenant, Intensive Care, un groupe que je crois on a déjà joué assez fou. Je pense bien, moi, en avoir fait déjà joué. C'est un groupe que peut-être les gens de Trois-Rivières ont eu la chance, comme moi. En fait, moi, je les ai découverts comme ça. De les découvrir dans la série de spectacles « Feu de forêt dans le désert ». Il y a environ 2 ans de ça, je dirais, le groupe Intensive Care avait été à Trois-Rivières pour un spectacle. Et eux aussi ont sorti un album récemment, c'est un EP. Par contre, on fait un peu le contraire. Le 2 ans, en octobre 2009, avait sorti un album complet qui s'appelait Fairy Tales from the Island. C'était vraiment un très, très bon album. J'ai adoré cet album-là, qui avait un son assez progressif, un son rock ambiant, avec des très longues pièces, mais qui était vraiment un très, très bon album, qui s'écoutait quand même très bien, qui avait quand même un côté assez pop. Et donc là, après ce long jeu qu'ils ont lancé en 2009, ils nous reviennent. Ça fait quelques semaines qu'il est disponible déjà l'album. C'est un EP, ça s'appelle It Takes Time. Et cet album-là est disponible déjà, mais il n'a pas vraiment eu de lancement. Il n'a comme pas eu le temps vraiment de lancer l'album comme il faut, parce que eux aussi sont en tournée présentement aux États-Unis. Et aussitôt qu'ils vont revenir de leur tournée, donc prévoient faire un lancement en bonne et due forme. Et pour l'instant, là, l'album est encore un peu low profile. Mais c'est sûr que c'est seulement un EP, donc je pense pas qu'on va en entendre parler tant que ça non plus. C'est un EP de 4 pièces qui a été enregistré à Montréal par Jace Lesec, que vous connaissez peut-être pour être le leader du groupe Bessner Lakes. Mais qui a aussi un album, qui a aussi un studio plutôt à Montréal, puis qui produit quand même beaucoup d'artistes, là, dont Patrick Watson, Wolf Parade, Soons, et plein d'autres artistes montréalais. Intensive Care, je l'avais pas dit, c'est un groupe qui s'est formé à Montréal, qui a été créé à Montréal, mais qui a vraiment des membres, des influences d'un peu partout dans le monde. Le chanteur est d'origine libanaise, des membres du groupe qui viennent des États-Unis, du Canada, donc c'est un peu un genre de c'est un mélange de tout plein de cultures. Mm-hmm. C'est une communauté interculturelle à lui-même. Exactement. Et si vous avez la chance un jour de voir Intensive Care en spectacle, ce sont vraiment des musiciens incroyables. Ça paraît un petit peu moins dans leur dernier EP, It Takes Time. Je trouve qu'il y a des compositions un petit peu moins de profondeur, des arrangements un peu plus simples. Et si vous aimez ce que vous entendrez avec la pièce que je vais vous présenter, jetez un coup d'œil à l'album Fairy Tales from the Island. C'est vraiment un très, très bon album où vraiment là, ils démontrent leur grand talent de musicien. Parfait, donc on va entendre tout à l'heure Intensive Care, mais on va débuter avec Memory House et la pièce The Kids Were Wrong. Merci beaucoup, Kiwan. Ben, merci à vous, merci. Les gars. Et à la semaine prochaine. Ah, François, j'ai oublié tout le temps de te demander. François veut tout le temps savoir comment la météo est en Alberta. Ouais, ça ressemble à quoi, là, en ce moment? Ben écoute, après avoir eu pratiquement pas d'hiver ou pas de neige de l'hiver, là, encore la semaine passée, il faisait 7-8 degrés, il n'y avait pas de neige nulle part. Oh. Là, en fin de semaine, on a eu la plus grosse tempête de neige de l'hiver. Donc, à peu près comme chez vous, je pense aussi, il y a pas mal de neige. Là, ouais, on a eu pas mal. Là. C'est ça, une vingtaine de centimètres ici environ. C'est pas extrême, mais pour le sud de l'Alberta, c'est assez pour paralyser la moitié de la ville, je dirais. OK, et puis, écoute, température, mettons, à degrés, si tu... Ah, c'est encore pas si, pas ouais. si froid. Là. Ça hier, je pense que c'était comme à moins 5, je dirais, là, ouais, mais... Cette semaine, ça va remonter probablement au-dessus de zéro, mais je pense que ça va être un petit peu plus long, là, faire fondre 20 cm là, comparé à la suite. Ah, formidable. Bon. On n'a pas le choix. Hein? Tu te tiendras au courant de la température. De ton paysage. Oui, de la météo, parfait. Voilà. Merci, Kiwan. Eh bien, merci à vous. Bye. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Formation Intensive Care, la pièce I Like It, précédée de Memory House avec The Kids Were Wrong dans la chronique Kiwan en cavale de Kiwan La Liberté en Albert. Merci Kiwan. Oui. On finit bien ça. Donc, on prend une petite pause et on vient avec plus de choses, dont Cynix. Oui, et du chiptune ce matin. Oui, mais on va entendre un remix d'une pièce. Qu'on ça, on aime ça, les remix, ça bien. Moi, du Lana Del Rey. Hello. Bonjour. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Vous êtes avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage requis. Il est 7h35 minutes. C'est le temps. Ah, oh, François, je te plains des fois. Là. Pourquoi? Ben, parce que ça va être CNX. Oh non. Ah. Première chronique CNX de la semaine, on va parler de plein de choses, dont des avancées technologiques pour débuter cette chronique-là. OK. On parle de comment charger son téléphone en courant. En courant? Oui, ça pourrait être une chose possible bientôt. Pas chercheurs, avec du courant, là. Non, en courant. C'est un beau jeu de mots, ça. Des chercheurs de l'université Wake Forest en Caroline du Nord travaillent présentement sur le tissu Power Felt, un matériel thermoélectrique qui permet de transformer la chaleur du corps en watts. Le tissu est composé de minuscules tubes de carbone enfermés dans une fibre plastique. Bien que son apparence soit plutôt banale, les applications qui en découlent sont spectaculaires. Les chercheurs du Centre pour la nanotechnologie et les matériaux moléculaires de l'université pensent être en mesure de bientôt créer des vêtements de sport qui généraient assez d'énergie pour charger un iPod pendant une course. Comme l'électricité est créée à partir de la chaleur du corps, il serait même possible de recharger son téléphone simplement en s'asseyant dessus. Sit down on your phone. T'as le goût de t'asseoir sur ton téléphone. Il est aussi possible d'imaginer des appareils médicaux qui tirent leur énergie d'un bandage, une lampe de poche qui s'alimente de la chaleur de notre main ou encore un isolant à tuyau qui récupère la chaleur de l'eau chaude pour faire baisser la consommation d'électricité. Eh bien, à l'université Wake Forest, qui cherche à commercialiser la technologie, admet qu'il y a encore du développement à faire avant que la technologie se retrouve sur les tablettes. Présentement, le tissu est en mesure de créer seulement 140 nanowatts d'énergie, donc pas beaucoup. Le cours représente aussi un obstacle à l'arrivée du Power Felt en magasin. Les matériaux thermoélectriques peuvent aujourd'hui coûter jusqu'à 1 000 $ le kilo. Mais l'université espère que la recherche et une plus grande demande pourraient réduire les frais de production jusqu'à environ 1 $ pour envelopper un téléphone. Malade. Moi, vraiment. Vraiment génial. Après le moulin à images de Robert Lepage, on nous dit voici que Bridgestone prépare son pneu à images. Hein? Donc voilà. Plusieurs manufacturiers de pneumatiques ont présenté, voire même commercialisé, des pneus à bandes colorées et pas uniquement pour les courses de Formule 1. Appelée Printing Technology, l'approche de Bridgestone consiste à apposer des images selon un procédé qui n'est pas sans rappeler le fameux secret de la caramilk. Toutefois, on apprend que les encres utilisées ont été spécialement développées pour la réalisation de ces images. Elles sont protégées contre la décoloration par un enduit spécial et immunisées contre les intempéries par une seconde couche protectrice. On pourra peut-être un jour, pas si loin que ça, rouler sur des pneus arborant des photos des membres de notre famille. Très bien. Les ingénieurs mettent au point un sensor se fixant à un téléphone cellulaire qui permet de détecter la présence de la bactérie E. coli. Dans l'eau? Dans la nourriture. Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont développé un petit microscope à fluorescence qui fonctionne avec la caméra de téléphone portable, utilisant des capillaires en verre contenant des anticorps et des points quantiques, un type de semi-conducteur employé en imagerie médicale. Le senseur s'illumine en présence de la méchante bactérie. Le dispositif fonctionnant à batterie est doté de diodes électroluminescentes, donc des LED, et d'une lentille spéciale. Il permet donc de prendre un portrait bactériologique d'un liquide ou d'un steak tartare douteux, rapidement et à peu de frais. De l'eau ou des aliments infectés par l'Escherichia coli peuvent provoquer des crampes, des diarrhées, des vomissements et des nausées, mais également causer des problèmes rénaux et respiratoires, des caillots de sang au cerveau, la paralysie et même la mort. On ne sait pas encore si ce senseur sera mis au marché ou restera dans les laboratoires de l'UCLA et il pourrait s'avérer très utile dans les pays du tiers-monde. Très bien. Excellente nouvelle. Flickr bloque Pinterest maintenant. Changeons complètement de domaine. On parle d'Internet en ce moment. Un des sites à la croissance les plus rapides au cours des derniers mois, on parle de Pinterest, force les autres sites à revoir leur façon de faire. Très populaire chez les femmes, Pinterest est un babillard virtuel qui invite les utilisateurs à y afficher ou à épingler du contenu d'intérêt provenant d'autres sites. On annonçait en février que Pinterest était le 5e plus important fournisseur de liens de référence sur le web, générant plus de trafic que Google+, LinkedIn et YouTube combinés. Combinés ensemble. Non, ouais. C'est très, très gros, Pinterest. Comme le contenu provient d'ailleurs et est partagé d'un utilisateur à l'autre, ça donne lieu à une forme de piratage et l'aspect légal inquiète d'ailleurs les dirigeants de Pinterest. Pour se parer contre les poursuites éventuelles, le site a publié une ligne de code qu'on peut ajouter à un site pour empêcher d'être épinglé sur Pinterest. Le site de partage de photos Flickr, qui est le troisième fournisseur de contenu en importance pour Pinterest, a annoncé vendredi avoir ajouté le code à toutes les pages de photos non publiques, les pages protégées par des droits d'auteur ainsi que pour les comptes d'utilisateurs qui refusent le partage de contenu. Les plus ingénieux trouveront le moyen de contourner cette limite, mais pour les observateurs, c'est un pas dans la bonne direction pour Pinterest. Eh bien, je suis jamais allé voir Pinterest. Ils disent que c'est plus pour les femmes. Moi, c'est le genre de choses qui ne m'intéressent pas de toute façon, ce ramassage de cossins, là. Là, en ce moment, il y a des textes, entre autres, des pages de livres scannés, des photos d'Angelina Jolie, des chats, des chemins, ouais. Un paquet d'articles, des commentaires de gens qui sont laissés là-dessus. C'est waouh, c'est pro. Ça, là, c'est le genre de site que je... Ben, c'est le fun, OK? Mais c'est une surcharge d'informations sans cesse, sans fin. Tu vas là-dessus, puis tu filtres pas pendant... tu vas rester là pendant genre 24 heures de suite. Il y a trop d'affaires. Avalanche! Pinterest.com. Un homme de Cincinnati a choisi de faire des excuses à son ex-femme via sa page personnelle Facebook plutôt que de purger une peine en prison, relançant par la même occasion le débat sur la liberté d'expression, nous dit branchez-vous.com. Mark Barron, en pleine bataille juridique avec la mère de son enfant, a évacué sa colère en publiant un commentaire violant une ordonnance restrictive, lui interdisant de faire pression de quelque manière que ce soit sur son ex-épouse. Je cite le juge. Lui-même, le gars qui a dit ça. Donc, si vous êtes le mâle, une femme rancunière qui veut ruiner la vie de votre mari et emmener votre fils loin de lui complètement, tout ce que vous devez faire est de dire que vous avez peur de votre mari ou partenaire et ils vont l'emmener loin. Et ben, c'est ce qu'il avait écrit sur Internet. L'ultimatum du magistrat Paul Mayers envers M. Byron ne s'est pas fait attendre. Le pardon ou la prison. Il a donc publié des excuses sur sa page Facebook pendant 30 jours consécutifs, plutôt que de séjourner 2 mois dans un pénitencier. Il me semble que c'est pas égal, ben ça. Ouais, non. Vraiment pas, même. Ouais. Il a également dû verser une pension alimentaire de 1 156 $ à son enfant et payer les frais de justice de son ex. Le père de famille croit que cette condamnation est une atteinte à la liberté d'expression. Je cite, « Ce que j'ai fait était juste de dire aux gens comment cette année a été dure pour moi. L'idée que n'importe qui peut vous imposer quoi dire à vos amis sur Facebook devrait être effrayant pour les gens. » C'est ce qu'a dit un avocat de Cincinnati spécialisé dans la liberté d'expression et les questions des médias. Ouais. Voilà, oui. Mark Barron soutient également que, contrairement à ce que le juge croit, il n'a pas essayé d'intimider son ex-femme avec ses commentaires, puisque celle-ci n'a pas accès à son compte. Il comparaîtra de nouveau devant le tribunal le 19 mars pour prouver le respect de la condamnation. Dès l'automne 2012, Google Earth nous fera plonger dans la grande barrière de corail avec un nouvel outil cartographique qui s'appelle Google Ocean. L'expédition, dirigée par le scientifique Ove Oegelberg et soutenue par le projet Caitlin Sea View Survey, donnera accès à plus de 50 000 images qui permettront ainsi au grand public d'arpenter les 2600 km du plus grand récif corallien du monde situé au large de l'Australie. Tout ça sans se mouiller. Si ce dispositif tend à sensibiliser les internautes à la préservation des espèces, il a surtout pour vocation de relever des données à des fins scientifiques. L'Université du Queensland, l'assureur Caitlin Group Limited ainsi que divers instituts de recherche souhaitent pouvoir reconstruire le corail endommagé et mesurer l'impact du réchauffement climatique. Les plongeurs vont donc capturer ces images à 360 degrés en se déplaçant à 4 km/h et en enregistrant leur position toutes les 4 à 6 secondes. La caméra sous-marine atteindra même des profondeurs inaccessibles à l'humain. Les coûts de ce projet d'envergure n'ont pas encore été dévoilés, mais si les résultats s'avèrent concluants, d'autres expéditions pourraient voir le jour. Vous pouvez voir d'ailleurs quelques images de cette exploration sous-marine qui sont déjà disponibles en passant par assemblagerequis.com. La semaine prochaine verra la fin de 2 marques de Microsoft pour accompagner la sortie de Windows 8 éventuellement. Donc, Microsoft s'apprêterait à mettre à mort 2 de ses marques avec le lancement d'une version de démonstration pour le public de son système d'exploitation Windows 8. Les marques concernées sont Windows Live et la marque Zoom. 2 marques, je pense que ça ne dérangera pas personne d'aller voir partir. Moi, je pense pas. Il était d'ailleurs un petit peu étrange de voir Windows Live associé à des logiciels qui étaient disponibles sur plusieurs plateformes ou à des logiciels qui n'avaient absolument rien à voir avec la connectivité en ligne, nous rappelle branchez-vous.com, comme des logiciels de gravure de DVD qui portaient la mention Live dedans, ça n'avait pas rapport. Les changements devraient être annoncés la semaine prochaine, le 29 février, mercredi, à Barcelone, alors que Microsoft dévoilera une version de démonstration de Windows 8 qui devrait être téléchargeable le jour même. Et là, si vous dites que Windows 8 sort beaucoup trop tôt après Windows 7, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, votre identifiant Windows Live deviendrait un compte Windows et les diverses applications comme le courriel feraient partie d'une suite de logiciels préinstallés qui s'appellerait Windows Communications. Les mentions de Zoom, ça c'est le lecteur de musique qui devait faire compétition à l'iPod. Ça n'a pas fonctionné bien. Pas bien. Ça va s'appeler Musique. Dorénavant, juste musique. La disparition complète de la marque Zoom s'effectuerait au cours de l'été. Les services de divertissement de Windows 8, dont les jeux, la musique et les vidéos, seraient regroupés sous la matière Xbox Live for Windows. Donc, si tu veux quelque chose de confus, là, c'est d'appeler les choses Xbox Live alors que c'est pas sur la Xbox. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, ça. C'est Microsoft. Le nouveau service de messagerie pourrait inclure les SMS et devrait s'appeler Messaging au lieu de Windows Live Messenger. Tout ça pour essayer de simplifier les choses. Dit Microsoft. Ah, moi, ça me dérange, ces affaires-là. Je comprends pas. C'est, Windows Live Calendar devient Calendar. Windows Live Contacts devient People. Windows Live Photo Gallery devient Photos. Tu sais, au moins, il enlève trois mots dans une expression qui en avait quatre. Ça, je peux comprendre. Mais bon. C'est pas tout ce qu'ils font qui a du sens. Bizarre. Et deux petites dernières nouvelles. Les femmes sont plus enclines à supprimer des amis sur les réseaux sociaux en ligne que les hommes et elles ont aussi tendance à choisir des paramètres de confidentialité plus restrictifs, selon une étude publiée aux États-Unis. L'enquête réalisée par l'Institut de recherche Pew révèle en outre que les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à publier des contenus qu'ils regrettent ensuite. Selon ce sondage, réalisé entre avril et mai 2011 auprès de 2277 adultes, 63% en moyenne des utilisateurs de réseaux sociaux ont effacé des personnes de leur liste d'amis, contre 56% en 2009. Ce chiffre atteint 67% chez les femmes, contre 58% chez les hommes. Sur le plan de la protection de la vie privée, 58% des utilisateurs de réseaux sociaux sélectionnent des paramètres de confidentialité leur permettant de ne laisser leur profil accessible qu'à leurs amis. Seulement 19% des utilisateurs autorisent cet accès aux amis d'amis, tandis que 20% d'entre eux laissent leur profil accessible au large public. Tant qu'à choisir amis d'amis, ouais, c'est ça. C'est quasiment public, là, parce que tout le monde est ami d'un ami. Ouais. Surtout dans, quand t'as des cercles d'amis, mettons à l'université, là. Puis tout le monde est ami avec tout le monde. Là. En com, genre, t'as souvent un ami qui est ami d'un ami. Donc, en la matière, les femmes sont beaucoup plus disposées que les hommes à installer des paramètres de confidentialité plus restrictifs, c'est sûr, parce qu'ils sont achalés pas mal plus souvent, et à n'autoriser l'accès à leur profil qu'à leurs amis. Elles sont ainsi 67% contre 48% pour les hommes. Quelque 93% des personnes interrogées pour cette enquête de 2011 ont un profil Facebook contre 73% en 2009. 93%, c'est pas mal proche de tout le monde, ça? Ouais. Dans l'enquête. Proche de 100%. Pas mal. Par ailleurs, 23% ont un profil MySpace contre 48% en 2009. Donc, les nouvelles disaient que MySpace allait bien. Récemment, sur Internet, il y avait plein de nouvelles qui circulaient que ça allait bien, MySpace. Selon cette étude-là, ça descend quand même dans le marché général. Et 11% ont un compte Twitter contre 6% en 2009. 11% des gens ont Twitter, selon l'étude. Et pourtant, Twitter est absolument partout dans les médias. Là. Toutes les émissions de télé... C'est ce qu'ils disent, ouais. Tu sais, donc, ça te donne la fausse impression. Mais moi, je connais pas grand monde qui ont Twitter. Je connais beaucoup de monde qui ont Twitter, mais personne s'en sert. La différence est là, je pense. Ouais. Avoir un compte Twitter et s'en servir, c'est deux choses. Mais je pense... Ouais, pas très bien, en fait. Mais non, mais ça se peut très bien que la plupart des gens n'aient pas de compte Twitter, même en général. Mais souvent, par curiosité, tu sais, tu vois tout le monde là-dessus, tu vois une émission de télé qui te dit « aller voir sur Twitter pour plus d'informations », tu t'en fais un compte, tu y retournes jamais. Mais je pense que tu peux y aller sans avoir de compte. Oui, tu peux voir les contenus, mais si tu veux avoir l'air cool, c'est ça, ou t'inscrire, c'est ça. Et voilà. Et nouvelle de jeu vidéo pour terminer cette ronde de nouvelles-là. Le mode multijoueur de Killzone 3 qui va être vendu séparément. Lors du plus récent PS Blogcast, pas Bloodcast, ça fait un petit peu vampire. Sony a annoncé que la portion multijoueur du jeu vidéo Killzone 3 sera vendue séparément sur le PlayStation Network. Donc ceux qui n'ont aucun intérêt pour la campagne solo du jeu vont pouvoir se payer seulement le mode multijoueur qui va coûter 15$. Donc c'est une initiative qui pourrait, on dit, faire des petits dans le futur. Donc si, mettons, t'achètes un jeu comme, mettons, Halo ou n'importe quoi comme ça, t'as pas envie de jouer en mode mission, mode solo, tu veux seulement jouer en online multiplayer. Ouais. Ça vaut la peine, parce qu'à un moment donné, un jeu vient avec deux portions, dont une que tu te sers souvent jamais, t'sais. Comme moi, le mode en ligne, je m'en fous, je voudrais le jeu solo seulement. Ben, il serait fort de pouvoir acheter seulement le mode solo. Non, c'est sûr. Ça va pas être une bonne idée dans le futur. Donc voilà, pour ça, on va faire un petit tour du net rapide, comme ça, pour terminer cette chronique-là. On commence avec un super mixdown de tous les... Un mixdown de tous les jurons dans les films qui sont nominés aux Oscars. Quand même. Beau petit mix de 8 minutes. Je vous laisse aller le voir au complet, mais quand même. Écoutons un extrait. Ça, c'est des extraits de The Artist, le film muet. C'était pour ça le silence. always pleasure. Ke aloha, ananoha. Insane, screwed up, go fuck itself. Butt crack. Goddamn. Dope. Shit. Fuck. Crap. Fucking dead. Fuck, Mom. So fucking what? Fuck, free. Il y en a qui sont considérés jurons, et moi, tu vois, je trouve pas ça si pire que ça. Les screwed up, puis. Ensuite, les faces des gens qui ont gagné et perdu les Oscars. Tu sais, parce que, tu sais, la caméra va souvent filmer, ben, les caméras vont filmer tous les nominés. Ouais, ouais, tout le monde en même temps. Il y en a qui ont l'air déçus. Ouais. Il y en a qui font des faces assez. Qui avait l'air déçu, là? Ben là, on montre en tant que meilleur acteur la face de. Est-ce que ça dit pas s'il gagnait ou s'il perdait? Mais ok, je pense que lui, il perdait. Ben, il devait perdre. Non, non, il a gagné. C'est Jean Dujardin qui a gagné. Il fait sa face de. Ah, Colin, je peux pas croire, genre. Comme avec sa main en face. Ah, waouh, je suis gêné. J'ai vraiment gagné un Oscar. Faut que j'aille parler en avant. Tu sais, genre. Oh, ouais. Ouais. Puis les perdants, entre autres, il y a George Clooney, Brad Pitt, Gary Oldman. Comme perdant du côté de la meilleure actrice, Viola Davis, Michelle Williams, Glenn Close ont toutes perdu, donc vous pouvez voir leur face de gens en train de perdre sur assemblagerequis.com. Nouveau compte Twitter, tiens, on parle de Twitter il y a deux secondes. La jambe droite d'Angelina Jolie a son propre compte Twitter maintenant. Hein? La jambe droite. C'était une des vedettes du tapis rouge aux Oscars hier soir, dimanche. La jambe droite d'Angelina Jolie était sur la plupart des photos. Donc, vous pouvez voir son compte Twitter dire « Mon Dieu. Ici la jambe, regardez-moi, hey, regardez-moi, ne m'oubliez pas, je suis ici. » C'est la jambe droite. C'est le nom sur Twitter, c'est Angie's Right Leg. Voilà. Ensuite, une nouvelle série de photos de la part de la photographe Sana Kvist. C'est la série All I Own. L'idée, c'est de prendre une personne, comme toi et moi, et de la mettre dans une pièce avec toutes les choses dont elle est propriétaire, donc les propriétés de cette fille-là. Par exemple, sa télé, des vêtements dans un sac, guitare, plante, un meuble, une chaise, des affaires comme ça. Donc, la mettre, elle, dans ces affaires-là, juste à côté d'elle, toute une pile d'affaires, tes propriétés, tu comprends? Par exemple, le gars ici, il est propriétaire d'un gros ordinateur super vieux, d'une planche à laver, à repasser, et de livres, beaucoup, beaucoup de livres. L'autre, il y a un chose de fitness, puis des cadres, des affaires comme ça. Donc, toute la pile. Évidemment, je pense qu'ils ont pas mis la vaisselle des gens, parce que ça, j'imagine. C'est plate un peu. Mais l'idée est quand même bonne. Va voir ça, c'est ouais. Cute. C'est cute. Des couples qui échangent leurs vêtements. Donc, on voit un couple... Gars, fille, bon, peu importe. Un à côté de l'autre, devant un paysage ou une bâtisse. Et après ça, on leur demande d'échanger leurs vêtements. Donc, la fille porte les vêtements du gars et le gars porte les vêtements de la fille. Ça donne de drôles de photos. C'est par l'artiste Anna Pessout. C'est cool, ça. J'aime bien ça. Ouais, c'est cool. C'est très cool. Donc, on va se quitter maintenant avec du chiptune, mais on va faire quelque chose de spécial. Ça va être un remix à la place d'une pièce normale. C'est un cover d'une pièce de Lana Del Rey qui s'appelle Video Games. Donc, on a pris ça littéralement. Video Games, jeux vidéo. Pourquoi pas refaire la chanson à la jeu vidéo de cette pièce de Lana Del Rey. Donc, on écoute ça. Ça a été composé à partir de deux Game Boy. On dit Game Boy, donc je sais pas si c'est des Game Boy originaux, les vieux gris, mais ça donne ceci. À Cynix, 89 FM, c'est fou. Est-ce qu'on change nos vêtements? Go! Oh, ouais, on a jusqu'à la fin de la pièce. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistle in my name. Open up a beer and you take it over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get up. Take your body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss. Put his favorite perfume on. Play your video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only my flesh. racing in the blue dark, playing pool in the wild dark, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all my friends fall in and out of old holes. This is my idea of fun. Entendre un remake, remix d'une pièce de Lana Del Rey, c'était Video Games, et ça c'était par l'artiste Lini. Pour Lini. Qui a remixé ça, Lini. L-E-E-N-I. Hein? Lini. Ouais. Ouais. C'est ça pour Sonic aujourd'hui. Merci Mathieu. C'était pas si pire que ça. C'est pas du chiptune. Ben oui, c'est très du chiptune, mais chante par-dessus. Ouais, c'est parce que les paroles prennent le dessus. Ouais, exactement. Sur la musique, mais c'est très très du chiptune. Donc voilà pour la fin de cette première heure. On va se retrouver tantôt. Et, comme on disait, on n'avait pas de Xavier Antoire. Eh hey, non. Donc, il n'est pas là ce matin. Ben non. On s'en reprendra. Au moins, il y a Nicolas de Charmin à 8h30. Une chance de l'écoute de Trois-Rivières. On va aussi faire une chronique, c'est un fait. Et on va peut-être parler peut-être des activités sur du champ sur le campus. On verra bien. On verra. On verra bien. La relâche en vient. Les examens cette semaine. Ouf. Hein, il va nous manquer des chroniqueurs. Hein? Semaine avant la relâche, semaine de la relâche, puis semaine après la relâche. Hein? Il reste plus grand temps à faire des chroniques. Hein? Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 27 février 2012. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et plus tard, on va voir Nicolas Ducharme pour parler de sport et dans Ducharme et du sport. On va parler des Patriotes hockey. Ah ben, Colin, toi, hein? Je te le dis. J'ai hâte. Avant ça, on va voir la chronique C'est un fait. On va parler entre autres de kangourous et la distance de leur saut, mais aussi un fait intéressant que vous savez peut-être pas sur les kangourous. C'est quoi? On va faire la chronique C'est un fait. Alors, on veut un petit... Ils peuvent pas sauter par en arrière. Ah non. Ils peuvent pas sauter par en arrière. Ah, je pensais pas. Ben non. C'est quand on les voit boxer, ils sont tout le temps par en arrière. Non, ben ça, c'est peut-être des dessins animés. Non, c'est des Simpsons, ils peuvent peut-être. Mais pour l'instant, on débute cette deuxième heure avec la formation Audionaut. Ouais, des gagnants des Mardis de la Relève, l'édition 2011. Mmh. Et ça vient de sortir, c'est sorti mardi dernier. Donc, on va entendre la pièce Métropole. Dans l'assemblage Rocky, sourcif. Pièce Métropole d'Audionaut à Assemblage Rocky. C'est très bon. Ben oui, c'est bon, on gagne des Mardis de la Relève 2011. Mm-hmm. La prochaine édition, c'est là. C'est là, ça commence bientôt. Ça commence, je pense, en mars. Date exacte, j'ai 5 en tête, mais je sais pas. En fait, je peux pas ouvrir mon calendrier non plus. Non, c'est ça, t'en parles souvent que tu peux pas ouvrir ton calendrier. Sécurité, sécurité! Le 6 mars. Bon. Si je me trompe pas. Parfait. Est-ce qu'on fait une chronique? Ouais, ok. Je vais t'apprendre des choses. La chronique, c'est un fait. En fait, j'espère que je vais t'apprendre des choses. Dans la chronique, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Aujourd'hui, c'est spécial animaux. Animaux. Animaux et environnement. Ok. D'accord. Donc, on commence avec le record pour le nombre de balles de tennis tenues dans la bouche d'un chien. Okay. Tu devines combien de balles de tennis dans la bouche d'un chien? C'est pas un record, là. 5? Oui, 5, ouais. Exactement, 5. Wow, c'est comme 5, c'est énorme, là. C'est très, très gros. Très gros, les balles de tennis. Donc, c'est un Golden Retriever nommé Huggy qui vit à Dallas, au Texas, avec la famille Miller. Le record date de 2003, alors qu'Huggy a réussi à tenir donc 5 balles de tennis normales dans sa bouche. On dit, je sais pas ce qui est plus intéressant, est-ce que c'est de tenir 5 balles dans sa bouche ou le fait qu'il y a un record pour ça, hein, parce qu'à un moment donné, les gens ont des records pour n'importe quoi, là. Ouais, vas-y. Dans Le Roi Lion, ouais. Pumba et Simba sont deux noms qu'on rencontre là-dedans, deux personnages. Pumba, ça veut dire foufou, un genre de petit fou, silly, tu sais, fou, là, en Swahili, et ça c'est une langue. Et Simba, ça veut juste dire lion. Ok. C'est comme... Toi, tu t'appellerais humain. Humain. Ouais. Très bien. Les scientifiques ont montré à des singes le concept de l'argent. Okay. Keith Chen et Laurie Santos ont donné à des singes capucins une pièce d'argent avec un trou dans le milieu et leur ont montré que les pièces pouvaient être échangées pour des choses comme des fruits. Donc, les singes ont compris ça et chacun a reçu 12 pièces de monnaie pour dépenser sur des raisins, du jello, des trucs comme ça. Donc, pour voir si les singes dépensaient un peu n'importe comment, pour voir s'ils étaient capables de comprendre le concept de la valeur de l'argent, Chen et Santos ont descendu le prix du jello et ont augmenté le prix des raisins. Donc, les singes ont commencé à acheter plus de jello et moins de raisins. Pareil comme un humain. C'est quelque chose quand même. Les singes se sont même enseignés le gambling. OK. Et les singes faisaient les mêmes choix que les humains auraient fait dans ce cas-là. Plusieurs les observateurs plus tard ont remarqué que les singes capucins se sont même payés pour avoir des faveurs sexuelles. Mais non. Je te jure. Oh, ouais. Oui. Et puis, c'est ça. C'est ce que ça dit. Donc, allez voir une vidéo de ça, des singes en train d'utiliser leur argent sur assemblagerequis.com. C'est très intelligent, des singes. Très intelligent. Bien. Savais-tu que les chèvres peuvent avoir des accents? Ah oh ouais. Des accents. Dépendant d'où ils viennent. Exactement. Donc, les scientifiques ont été... Oh ouais. sont tombés ses fesses, Colin, en apprenant ça. Que les chèvres pouvaient développer des accents une fois qu'ils commençaient à socialiser avec d'autres jeunes chèvres. Ils pensaient que c'était quelque chose qui était trop avancé pour ces animaux-là, mais ils ont été surpris de remarquer les différences subtiles dans les sons de ces chèvres-là. Donc, ce qu'ils ont fait pour réussir à en arriver là, c'est qu'ils ont pris le même père pour créer 23 jeunes chèvres, mais différentes mères. OK. C'est la mère qui... J'imagine que c'est la mère qui venait de différents endroits. Ou peut-être pas différents endroits, peut-être juste... C'est juste le fait qu'elles étaient différentes. Ça parle pas de l'endroit d'où ils venaient. Mais quand même, ils ont fait rester avec leur mère pendant une semaine. Ils ont ensuite enregistré leur son. Ensuite, ils les ont fait se séparer en 4 groupes de 5 à 7 animaux et ont réenregistré plus tard le son de ces chèvres-là. Ils ont réalisé que chaque groupe avait développé un son spécifique. Donc, j'imagine que ce n'est pas seulement de la mère ou peut-être de l'origine de la mère, mais c'est pas spécifié dans l'article. Intéressant. Ensuite, on va parler d'un animal qui s'appelle le Moray Eel. En français, on traduit ça sous le nom de murène. M-U-R-A-N-E. Sinon, d'habitude, eel, c'est une anguille. Donc, c'est une sorte d'anguille. D'accord? Okay. Donc, les Moray Eels ont une deuxième ensemble de mâchoire, pas de mâchoire, ouais, de mâchoire, si on, ouais, c'est ça, de mâchoire, c'est ça. Jaws, mâchoire, ouais. Ouais. Ouais, ça. Donc, les murènes ont un odorat très, très développé. Et ils utilisent ça, je sais pas, d'une certaine façon pour attirer leur proie. Ils ont une grosse mâchoire à l'intérieur de leur bouche qui est camouflée à l'intérieur de leur gorge. Deuxième paire de dents. Deuxième paire de dents, c'est ce que ça veut dire, mâchoire, paire de dents. À l'intérieur de leur mâchoire. Donc, ils disent que leurs têtes sont trop... pas assez larges. OK. pour être capable de juste avaler leur proie. Donc oui, leur deuxième mâchoire a des dents, donc ils attrapent leur proie et ils vont aspirer le poisson jusqu'à la deuxième paire de mâchoires et de dents pour ensuite amener ça dans leur système digestif. Eh bien. Hein? Connais ça, moi? Tu connais ça en masse? Hey. Ça a l'air à ça. OK, mais donc, quelque chose d'autre. Les kangourous ne peuvent pas sauter par en arrière. Ouais, c'est ce que tu disais tantôt, là. Ben, c'est ça. Ça a l'air dur à croire parce qu'on a tous vu des dessins animés où les kangourous boxaient, ou des films où les kangourous boxent. Peut-être que c'est des trucages. Je sais pas comment ça a fonctionné. Donc, bref, les kangourous sont des animaux très populaires, mais la plupart des gens savent pas qu'ils peuvent pas sauter par en arrière. Donc, la raison, c'est qu'ils utilisent leur queue qui est très, très musculaire comme un genre de cinquième membre. Donc, deux bras, deux jambes et une queue. Cinq membres. Pour pousser. Ils peuvent sauter par en avant jusqu'à 30 pieds. Un saut, 30 pieds. Mais ils sont pas capables de reculer à cause de leur queue et leurs gros pieds qui sont utilisés pour les envoyer vers l'avant. Savais-tu qu'il existe un type de lapin bleu? Non. C'est un lapin américain qu'on appelle le American Blue. American Blue, oui. Dans le fond, ça vient de lapin allemand. D'un mélange de lapin allemand. L'American Blue a été développé au début des années 1900. On l'appelait au départ le German Blue, mais ils l'ont renommé American Blue après la Première Guerre mondiale. Ça a été développé à Pasadena, en Californie, par Louis Salisbury. Donc, ils ont créé cet animal-là, pour la fourrure et sa viande aussi. Et voilà, pour sa viande. Ouais. Winnie the Pooh. Ouais? Oui, Winnie the Pooh. Les personnages représentent tous des désordres mentaux. Des ordres mentaux. C'est vrai? Non, mais c'est ça. Ça a l'air d'une histoire pour enfants bien innocente à la surface, mais après l'avoir un petit peu plus décortiqué, c'est le Journal du Canadian Medical... le Canadian Medical Journal, disons-le comme ça, qui a étudié ça. Donc, les livres écrits par A.A. Milne en 1926, qui ont été rachetés plus tard par Disney. Donc, Winnie the Pooh, vous savez, c'est devenu une série d'histoires à succès. Par contre, on parle de choses psychologiques à l'intérieur de tout ça. Chaque personnage est supposé montrer un différent désordre. Par exemple, Tigger, qui a ce qu'on appelle ADHD, c'est le déficit d'attention. OK. Parce qu'il saute partout. Okay. Piglet, c'est l'anxiété. Lui, c'était Porcinet. Porcinet, exactement. Rabbit, le lapin, comment il s'appelle? Rabbit. Non, je ne sais pas. Qui est un grand solitaire, enfin bon. Owl, je ne sais pas c'est lequel, mais qui a le syndrome obsessif-compulsif. OK. Genre toc. L'autre, l'espèce d'âne, c'était la dépression extrême. Et Winnie the Pooh, c'est un accro. Accro au miel. Ah! Ah ben. Quand même. Il y a une plante qui peut manger des oiseaux. À Somerset, en Angleterre, il y a une plante carnivore. On a trouvé à l'intérieur un oiseau. C'est ce qu'on appelle une pitcher plant. OK. Et ça attrape, ça piège les animaux à l'intérieur de sa bouche et ça les dissout dans une espèce de liquide spécial. Donc, les pitcher plants qui souvent attrapent des insectes, des petites souris, des lézards. Mais c'est très, très rare des oiseaux. Eh ben, je sais pas ça. Pitcher plant. Allez voir les photos, c'est pas très beau. On dit que les poulets sont plus intelligents que les chiens et les chats. Tu sais, on considère souvent les poulets comme étant de courir comme une poule pas de tête. Ouais. Hein, c'est des animaux stupides. Mais non, apparemment, c'est plus intelligent que les chiens et les chats. Et c'est en deuxième place derrière les humains et les autres primates, qui, eux, sont au premier niveau, étant donné leur ressemblance et tout, leur descendance. Donc, ils sont capables de prédire les événements, d'anticiper les événements du futur basés sur le passé. Ils sont capables de se contrôler eux-mêmes, dans le fond, contrôler, ça veut dire, mais self-control, là, tu sais, comment t'appelles ça? Se contrôler. Ils montrent du contrôle. Contrôle d'eux-mêmes. Ils sont aussi capables de ressentir le stress, un sentiment qu'on savait pas qu'ils étaient capables d'avoir auparavant. Des poulets. L'arbre le plus vieux du monde a 2800, date de 2832 avant chose. Chose, là, comment il s'appelle, là, Jésus-Christ. Là. Donc, ça veut dire Jésus-Christ. Et qu'il a donc en général 4843 ans. Et on ne dit pas où est cet arbre-là parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse vandaliser. C'est un arbre qui s'appelle le Methuselah Tree. Et c'est la plus vieille chose vivante du monde. Donc, pas seulement l'arbre le plus vieux, mais c'est la chose la plus vieille. C'est dans les White Mountains de Inyo County, en Californie. Arbre qui a été découvert en 1957 par Edmund Shulman et Tom Harland. Donc, voilà, nommé d'après Methuselah. Qui avait vécu 969 ans, selon la Bible. Les gouttes de pluie ne sont pas en forme de larmes. Non? Tu sais, on dit tout le temps, c'est Dieu qui pleure. Dieu qui pleure. Oui. Il y a plein de choses. Et c'est la Bible, c'est ça. Et donc, la société a toujours comparé la pluie à des larmes, mais c'est complètement faux. Complètement faux. À cause de la résistance de l'air et la vitesse à laquelle les gouttes de pluie tombent, les gouttes de pluie changent de forme. Ça devient une forme qui ressemble un peu à un hamburger. Un pain à hamburger. Avec le dessus courbé et le bas complètement plat, droit. Ah ouais. Donc, les scientifiques ont utilisé des caméras à haute vitesse pour regarder ces gouttes de pluie tomber et ont été surpris de voir la forme. Ouais. Quand même surprenant. L'éclair. Un éclair, c'est plus chaud que la surface du soleil. Oui. Oh ouais. Donc, l'éclair peut aller jusqu'à 18 000 degrés Fahrenheit. Fahrenheit? Ce qui est presque... 18 000? 18 000 degrés. C'est presque deux fois la température de la surface du soleil. OK. Ouais. Et donc, ça nous dit que même si c'est super chaud, il faut que ce soit plus ciblé. Bref, c'est pour ça que c'est pas à cause des éclairs qu'on va avoir chaud, c'est à cause du soleil. C'est environ... le centre du soleil est environ à 15 millions de degrés Fahrenheit. Donc, on parle vraiment de la surface qui est moins chaude que l'éclair et non pas son centre. Et finalement, il y a une nouvelle sorte de plante qui sent un petit peu comme de la viande pourrie mélangée avec des défécations. Voilà. C'est une nouvelle espèce qui s'appelle l'Amorphophallus. Amorphophallus, oui, qui a été découverte. On l'appelle corpse flower parce que ça donne vraiment l'odeur d'un corps mort ou de viande sur le bord d'une route. Là. Un animal tué, un animal mort. Donc, ça a été découvert au Madagascar et ça peut pousser jusqu'à 5 pieds de hauteur. Et à chaque année, donc quand elle pousse, oui, ça développe cette odeur-là. Selon un professeur de biologie, c'est lui qui a aidé à la découverte de cette fleur. Il dit que ça ressemble à un animal mort sur la route mélangé avec une toilette portable dans un festival. La tabarouette, voilà. Hein? Donc, mélange. Amorphophallus. Oh. Amorphophallus, c'est ça qui veut littéralement dire « misshapen penis », donc un pénis mal formé. Donc, en plus, ça a un drôle de nom. Voilà, pour la collègue, c'est un fait spécial animaux et environnement biologie. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On s'en va entendre du Colorado. Oui, la pièce Got to Lose. Got to Lose. Qui est la 8e de l'album Record in a Bag. Bon, ben voilà ça. Et après ça, on revient, on parle de sport. Avec Nicolas Ducharme. J'ai mis la 7, je pense, en faire. Ouais, ok, parce que c'est ça, là, je checkais mes trucs. Mais... on connaissait pas le début. Non. Ah, quand même. Non, vous êtes ensemble à jouer qui quand même. Got to lose love if you want to find love.

Au retour, on parle de sport avec Nicolas Ducharme. Il dit sport. Ducharme, c'est un jeu de mots, là. Mmh. Grosse fin de semaine, un cœur d'épaule. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Toujours à cette émission qu'on appelle Assemblage Rocky, 8h32 minutes. Et en cette fin d'émission du lundi, c'est toujours le moment de parler de sport. Oui, avec Nicolas Ducharme, journaliste ici à l'Écho de Trois-Rivières. L'Écho de Trois-Rivières, voici donc Ducharme. Et du sport. Bonjour Nicolas Ducharme. Eh hey, bonjour monsieur. Ça va bien? Ah ben oui, vous? Oui, oui. Oui, ça va bien. Alors... grosse fin de semaine? Ouais, très grosse fin de semaine. Gros dimanche pour moi, là, hier, je vous dirais. Je suis entré hier au Colisée Trois-Rivières, magnifique troisième. Hé, hey, je vous compte ça, c'est quand même cocasse. C'était toute une journée hier dans l'existence du Colisée de Trois-Rivières. Comment ça? Pour vous donner une idée, là, je suis entré dans l'aréna, il était 4h. Je suis sorti à 1h du matin. Bon, il y avait un match. C'est le matin? On est tout à sa job, hein? Il y avait un match jusqu'à Ronguay. Tout de suite après, une heure de pause et ensuite... Passer à Zamboni, on veut de l'estrade. Mais écoutez, hier, journée très bizarre, comme je disais, dans la vie du Colisée de Trois-Rivières. Et qui démontre un peu à quel point on a un besoin d'aréna, d'un nouvel aréna à Trois-Rivières. Ouais, je pense que c'est assez flagrant. Une vitre se fait briser par un tir de Chris Cloutier à la fin de la période d'entraînement du Coronguay. Coronguay, ok, parfait. Ça a pris tout le temps possible pour charger ça. On a mis un panneau de plexiglas à la place d'une vraie vitre. On n'a pas de vraie vitre, on a mis un panneau de plexiglas. Bon, c'est cheap. Deux yeux, il y a un trou dans la bande. Il y a un trou dans la bande. Il y a un trou dans la bande. Il y a un trou dans la bande. Probablement que le plastique a été arraché. Je pourrais pas dire comment. C'était réparé avec du duct tape. Donc, on a un beau gros carré de duct tape. Vraiment gris. Le gros modèle. Là. Chic. Ben oui, on donc. Le panneau de. Le chronomètre du panneau. Le tableau d'affichage. Rendu l'homme en première période. On avait un chronomètre manuel. Puis on calculait avec ça. Puis on changeait le temps. Le temps apparaissait. Okay, mais il descendait pas. Okay. Donc, on était pris là. Donc, ça aussi, c'était réparé après la première période. Ben, voyons. Et durant le match des Ah, il a été réparé, par exemple? Oui, il a été réparé, okay. Ouais. Au moins ça. Puis, durant le match des Patriotes, une des choses les plus cocasses que j'ai pu voir de ma vie, le chauffeur de Zamboni qui est carrément rentré dans la bande. Donc, où est-ce que les portes étaient ouvertes, bon, pour le faire sortir. Il semblait avoir un problème avec la Zamboni. Puis, il s'est dirigé vers là, mais t'es arrivé de côté. On n'a pas calculé qu'il fallait qu'il te freine. Puis... Ah ouais, dans la bande, c'était... Il s'est fait mal, là? Non, il s'est pas fait mal, mais c'était très drôle. C'était vraiment, là... C'était une des choses les plus drôles que j'ai vues dans un arena. Ah, ouais. On a-tu l'air chaudron, pour vrai, hein? Ça faisait très chaudron. Hey, ça fait dur, là. Et moi, le pire, là, vraiment, la bande réparée avec du... Ben oui, du duct tape. Du duct tape. Ben oui, donc. C'est un peu pas mal. Non, je pense qu'on est dû. Je pense qu'on est dû pour... remettre ça de rap, non? Hey, tu dis. Le gars qui répare, c'est une bonne journée pour lui, hier? Ben, écoute, faites l'over. Faites l'over, ouais. Hey, ce matin, je vous parle, bien évidemment, de la période d'échange dans la Ligue nationale, mais avant, je veux commencer avec les Patriotes. Parfait, parce que Patriotes à hockey. C'était toute une fin de semaine, tout un match. C'est un match ultime, hier. C'était 1-1 dans la série. Samedi, les Patriotes qui ont été battus 5-1 à Carlton. Je vous l'avais dit, ça serait pas facile contre les Ravens, surtout à Carlton, parce que c'est une équipe qui joue de façon très agressive lorsqu'ils sont à domicile. Même failli avoir une bataille générale à la fin de la première période. Ah ouais, ça a brassé. Les deux équipes qui en sont venues au coup, bon, les bases vidaient. Il y a un joueur qui a qui a arraché le bâton du gardien Guillaume Nadeau. Ça a commencé, les deux gardiens sont passés bien près d'en venir au coup. Mais pourtant, c'est ce que tu avais annoncé, mais après la première partie, je me suis dit, oh, d'après moi, les Patriots vont quand même l'avoir fasciné. Ouais, ben cette victoire-là de 8-1, on l'avait dit, puis j'ai discuté avec Marty Johnston, là, qui est l'entraîneur du côté des Ravens, puis il me l'avait dit, on est arrivé ici, on n'était pas préparé. Bon, leur série s'était terminée tard. Contre Toronto, on avait fait beaucoup d'autobus, on n'avait pas vraiment eu de temps. Puis hier, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, gars, il dit, on était là, mais il dit, c'est de même mon équipe. Il dit, up, c'est des downs. Down. C'est en haut, en bas, c'est une équipe qui manquait de constance. Exactement, manquait de constance. Hier, écoutez, quel match. Ça s'est terminé en deuxième période de prolongation. Okay. Du côté de Trois-Rivières, il était tard. Surtout que le match commençait à 8h au lieu de 7h. À cause des réparations? Non, à cause du match Caron-Aigué. On voulait être sûr que. Il a pris du retard un peu. Ben, pas qu'il a pris du temps. C'était prévu de commencer à 8h, mais normalement, le match des Patriots commence à 7h. Okay. Donc, ça s'est terminé en deuxième période de prolongation. Écoutez, ça regardait très mal là, pour les Pats. Très, très mauvaise première période. Jusqu'à. Il restait environ 3-4 minutes, on avait seulement un tir. Mais... Donc, c'était très, très difficile. Dur de gagner quand tu ne savais pas sur le gardien. Plutôt difficile de gagner. Mais Maxime Robichaud a compté le premier but des Patriots alors qu'il restait un petit peu plus qu'une minute, à l'engagement. Donc, c'est 1-0. On est en troisième. Du côté des Ravens, c'est Jeff Hayes qui marque là, en désavantage numérique. On jouait bien du côté des Patriots. On avait connu une bonne deuxième, une bonne troisième période. Mais c'est une erreur du défenseur Pierre-Luc Lessard qui a tiré dans le fond sur Hayes. Après ça, la rondelle est venue. Hayes est passé à l'échappée à compter. Par la suite, alors qu'il ne restait que 7 minutes au match, un petit peu, même 6 minutes au match, l'excellent Brandon McLean qui a battu Guillaume Nadeau. Donc, on menait 2-1, il restait pas beaucoup de temps. Alors, comment les boys? Ça en prend un? Et là, un tir anodin entre en zone du cercle des mises en jeu. Pierre-Alexandre Jonca. Un lancer du poignet, boum, ça bat Dopod. Personne n'a vu venir que ce tir-là allait restreindre jusqu'au fond de la cage. Donc, on égale les chances, on s'en va en prolongation, c'est passé. Prolongation au format universitaire, les gens se demandaient, on ne fait pas la glace après la troisième période, on joue 10 minutes en prolongation. Si c'est encore égalité, les équipes rentrent au vestiaire. Là, on fait la glace. Là, on fait la glace, puis exactement. Donc, 10 minutes, pas de gagnant. Sans en prolongation, c'est encore puis Alexandre Jonca qui a marqué le but gagnant. Mais une bévue monumentale du défenseur là, du côté de Carlton. Derrière la ligne des buts, qui tente... Bon, c'était large. Il y avait seulement Jonca en zone. C'était vraiment... Il pouvait faire ce qu'il voulait. A tiré sur Jonca. Puis lui, il part. Jonca a bloqué la rondelle, il est devant le gardien, il est tout seul, il s'est avancé, il a compté. Et même si c'est terminé, crève-cœur pour les Ravens parce que ça fait 3 fois en 4 ans qu'ils se font éliminer par les Patriots. Là-dessus, ça fait 2 fois que c'est en prolongation. Donc, très, très tough, très difficile pour la troupe de Marty Johnston. Mais du côté des Patriots, bon, ben ça y est, on l'a emporté et on retrouve pour une, si je ne me trompe pas, 5e année consécutive, les Redmen de McGill. La série va commencer mercredi. Hier, ça sera pas facile. Non, ça sera vraiment pas facile. Hier, Kelly Nobles. Est-ce qu'ils vont gagner? Je vais te dire ça. C'est ça. Hier, j'ai discuté avec Kelly Nobles, qui est l'entraîneur des Redmen, qui était au match, qui me disait que ces gars commencent à revenir de blessures. Ils ont été très maganés, les joueurs des Redmen cette année. S'ils sont en santé, les Redmen, ben, ça reste la meilleure équipe de la ligue. Pas au Canada, là, mais dans le top 2, top 3 au Canada. Là, mais ça reste probable. C'est la meilleure équipe de la OUA. Donc à ce moment-là, Patriots. C'est dur. Tout va jouer. Je pense que ce qui va être le pivot, ce qui va décider ce qui fait que les Patriots pourraient l'emporter, ça va jouer dans les filets. Guillaume Nadeau qui a connu des séries difficiles. Difficile première ronde en série. En deuxième ronde, ça a été mieux. Hier a très bien fait. J'ai rien à lui reprocher. Très, très bien fait hier. Alors, beaucoup plus confiant. Par contre, il va falloir voir là, ce que ça peut donner contre cette série-là. Parce que, contrairement à l'an dernier, les Patriots, ça avait été en 3 matchs, mais c'était une équipe qui était décimée par les blessures l'an dernier, les Pats. Là, cette année, il ne manque qu'Alexandre Demers. Pourrait revenir. Jacques Laporte n'a rien confirmé hier. C'est une C'est une commotion cérébrale dans son cas, donc on... Peut-être qu'on veut prendre un peu plus de temps. On veut prendre un peu plus de temps, mais en même temps, connaissant Alex, là, Alex là, qui présentement agit comme un comme entraîneur derrière le banc, parce que... Il veut être sur la glace, là. Ben, les coachs ont dit, gars, joins-toi à nous, puis encourage les gars, puis il fait... Je l'ai vu taper des bâtons, je l'ai vu, gars, il fait tout. Alex qui mange du hockey, puis là, c'est sa dernière saison. Ouais. C'est le capitaine, il veut les jouer. C'est le capitaine de l'équipe, il a pas le goût de rester sur le banc. On va voir ce que ça va donner d'un autre côté, on le sait, là, faut jamais... Faut jamais aller trop rapidement avec une commotion cérébrale. Hein? Donc on va voir. C'est ta santé. Mais c'est ça. Mais les Patriots sont une équipe qui est plus forte, mais pas plus forte, qui est en santé contrairement à l'an passé. Est-ce que ça peut se faire? Oui, ils sont capables d'emporter. Ils ont eu numéro cette année, si je me trompe pas. C'est 3-1 cette saison là, au niveau des affrontements entre les Ravens et pas les Ravens mais les Redmen et les Patriots. 3-1 pour. En faveur des Patriots. Okay. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble de mémoire, c'est ça. Okay. Donc, est-ce qu'ils peuvent l'emporter? Oui. Ouais. Est-ce qu'ils vont l'emporter? C'est une autre question. Ça va être encore très difficile. La bonne nouvelle, par contre, en ayant battu les Ravens, c'est que les Patriots sont assurés de jouer dans un match suicide pour accéder au championnat national. C'est-à-dire que on a trois... OK, on n'est pas obligé de gagner. Non, on pourrait y aller. C'est sûr qu'on a le goût de gagner. Là. Oh non, c'est évident. Mais au niveau du championnat national cette année qui est joué du côté de l'Atlantique, bon la conférence Ontario a beaucoup plus d'équipes que les autres les autres divisions, donc automatiquement on envoie plus d'équipes. On a 3 places de disponibles pour les équipes de la OUA. On en a 2 pour l'Atlantique, on en a 1 pour la conférence Canada Ouest. Si je me trompe juste pas. Ouais, ben juste une, effectivement. Ça change d'une année à l'autre. Okay. Une année, ça va être la Canada West. Une année, je pense, ça va être Ontario. Encore là, ça dépend c'est qui l'équipe hôte. Okay. Ça dépend. Okay. Dans ce cas-ci, cette année, c'est encore du côté de UNB au Nouveau-Brunswick. Donc, j'en déduis, là. J'ai pas vérifié, là, mais j'en déduis que c'est ça. Là, ça va être le champion de l'Atlantique et l'équipe hôte. Okay. Il y a 6 équipes qui se qualifient chaque année. Donc, on est assuré de jouer. C'est-à-dire que là, présentement, Windsor... Et Western vont se faire face, les Lakehead, les puissants le Thunderwolves de Lakehead qui ont été sortis par Windsor. Donc, ces deux équipes-là vont s'affronter dans l'Ouest. Dans l'Est, ici, c'est les Redmen et les Patriots. Les deux équipes qui vont gagner vont s'affronter pour la Coupe Queens, un seul match, très rapide. Donc, à la suite. Et ceux de qui ça, perdent? Ceux qui perdent vont s'affronter. Dans un match. Si c'est Windsor, c'est ici. Si c'est Western, ça va être à Western du côté de. C'était à London, en Ontario, si je me trompe. Et vraiment, là, donc, ça s'était fait là 2 ans. Il y a 2 ans, les Patriots avaient participé au championnat national et c'était à cause de ça exactement, parce qu'on avait, on avait réussi à battre. C'était les Mustangs de Western. Okay. Ça s'était terminé, là. Ça avait été Western 4-2, il restait 1 minute 31. Okay. 30 secondes plus tard, c'était 5-4 Patriots. Ça avait été un match phénoménal. Probablement le match le plus fou que j'ai vu de ma vie. Là. J'en ai vu des games de hockey. Là. Le match le plus fou que j'ai vu de ma vie. Donc, on va devoir, mais avant ça, là, avant de passer à tout ça du côté des Patriots, on doit rapidement se reposer. Ouais. Je pense pas qu'il y avait de pratique aujourd'hui, là, mais on doit commencer le travail tout de suite contre McGill. Et ça commence mercredi ici à Trois-Rivières? Mercredi du côté de Montréal, okay. Au McConnell Arena. Donc mercredi, samedi prochain. Samedi ici. On n'a pas l'heure encore, mais c'est samedi ici à Trois-Rivières et dimanche du côté de Montréal si nécessaire. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ceux qui veulent écouter ça, ssncanada.ca, c'est le site de web diffusion des matchs de Redmen de McGill, entre autres. Donc, vous allez pouvoir regarder ça là, quand on va être sur la route mercredi. Hey, je change de sport. Désolé. Je change de sport, je m'en vais vers le soccer. Hier, les gars affrontaient les équipes de Concordia, les Stingers. Les filles qui ont été massacrées 5-1. Donc, au classement final, on termine au 6e rang. Les séries qui commencent à partir de la semaine, pas la semaine prochaine, mais l'autre, il y a une pause d'une semaine. Donc, ils débutent. Les Patriots vont affronter encore Concordia. Donc, ça a terminé 5-1. Concordia sont au 3e rang. Ça va être tough pour les filles, ça va être très difficile. Donc on va voir ce qui va se passer là, dans ce dossier-là. Mais ils vont devoir aller chercher de l'énergie supplémentaire pour gagner. Du côté des hommes, par contre, je vous l'avais dit, ça allait bien. Désolé. Ça allait très bien là, du côté des hommes. Et hier, on l'a emporté 2-1 contre ces mêmes Stingers. Et on va affronter en série ben, les Stingers. C'est bon? Tout le monde va pouvoir se séparer le... Tout le monde va pouvoir se séparer l'autobus du côté de l'équipe de Montréal. On termine au deuxième rang, fiche de 4 victoires, 2 défaites pour les Pats. Très, très bonne saison. Avouons-le. Je pense qu'on a fait du très bon travail du côté de la troupe de Pierre Clermont. Donc, on termine avec 12 points. Les puissants Roger de Laval ont obtenu ce qu'on appelle une passe droit, là, un bail. Donc, ne jouons pas en première ronde. Ils vont se retrouver. Donc, l'équipe que les Patriots vont affronter, c'est l'équipe qui a terminé dernière au classement. Donc, on a de fortes chances. De bonnes chances. Regardez, les gars sont champions en titre. Ils ont un titre à défendre. Donc, on va voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. Et ailleurs, encore, on reste au niveau des Patriots. Caroline Napier-Lemire, la nageuse, c'était les championnats nationaux de natation. Cette fin de semaine, c'était du côté de Montréal. Médaille d'argent aux 50 mètres et médaille de bronze aux 100 mètres. Donc, ça a bien été. Une excellente performance du côté de Caroline. Vraiment. Bonne nouvelle. Elle va être à surveiller. Je vais discuter avec elle là, si les gens qui veulent en savoir plus. Je vais discuter avec elle aujourd'hui là, de ce qu'elle a vécu. Mais je trouve qu'elle fait une très, très belle progression, Caroline. Félicitations. Parlons-en. La journée. Des transactions. La journée des transactions. Dans la Ligue nationale de hockey. C'est débuté, là, RDS qui commençait son crinqué. Son avant-match, son spécial transaction à 6 heures ce matin. C'est de bonne heure, là. Il y a un peu trop de bonheur à mon goût. Wow, ouais. Je pense que maintenant, là, avec les réseaux sociaux, avec Twitter. Non, mais c'est ça, t'es tout courant. Avec tout ça, là, t'apprends rapidement là, ce qui peut se passer. Donc, 6 heures, c'était pas nécessaire. Et je l'ai plaint parce que si ça ressemble à l'an dernier, ça avait été très calme. Je peux te dire qu'ils ont parlé dans le vide puis qu'ils ont répété les mêmes affaires à nombreuses reprises. Un moment donné, t'as beau recevoir des gens, là. Ah, c'est ça. Puis pour l'instant, c'est de la spéculation. Pour qui il échangerait Costitine? Où est-ce que lui pourrait aller? Qu'est-ce qui intéresse le Canadien? Qu'est-ce qui intéresse telle équipe? Qu'est-ce qu'on veut, Donc, c'est ça. Du côté de TVA Sports, ça débutait à 9h. Déjà, je trouve que c'est un peu plus. Je sais pas, j'ai pas eu le temps. C'est commencé à 9h, là. Donc, je sais que Michel Godbout devrait être à la tête de cela. Mais, je sais pas. Pas Dave Morissette. Peut-être. On va aller chercher. Ben, normalement, si tu mets le maximum d'experts, j'imagine aussi qu'ils vont aller chercher les gars du Journal de Montréal, Jean-François Chaumont, Jonathan Vernier. Toi, ils t'ont pas appelé, non? Non, ils m'ont pas appelé. L'équipe de Trois-Rivières est pas très, très forte par la trade deadline. Qui pourrait bouger du côté de la Ligue nationale? Bon, ben, quand on regarde les classements, bon, des équipes comme les Rangers de New York, des équipes comme les Canucks de Vancouver, c'est sûr que c'est intéressant à bouger. Du côté des Rangers, on parle beaucoup d'aller chercher un joueur massif. Les Rangers, c'est pas nécessairement l'équipe qui va... Qui va aller chercher des petits joueurs. On veut souvent faire le gros coup. Le gros move. Donc, c'est une forte possibilité. On parle des Leafs de Toronto qui pourraient être actifs. Bon, les Leafs, on était à la porte des séries éliminatoires il y a quelques matchs avec 65 points. Présentement, on est 10e. Ils ont été devancés par les Capitals de Washington puis les Jets de Winnipeg. Donc, du côté de Toronto, on veut faire les séries. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les séries. Donc, on tente le tout pour le tout, j'ai l'impression. Je ne serais pas étonné si Luke Shen, le défenseur de 22 ans, prend la route de quelques d'ailleurs en échange d'un bon joueur. Luke Shen, c'est pas un joueur nécessairement que les Leafs veulent se débarrasser, mais ça pourrait être une pièce maîtresse dans un casse-tête. Flyers de Philadelphie aussi, on parle beaucoup de James Van Rimsdyk, un excellent joueur de hockey très jeune. 21-22 ans dans son cas aussi. Par contre, un petit peu fragile, j'ai l'impression, au même titre que Shen, pour être le joueur qui va bouger pour les Flyers si on veut tenter un gros coup. À part de ça, je vois Détroit, c'est une équipe qui souvent va rester calme. On sait que Ken Holland, c'est pas le directeur général qui est du genre à... Le plus flamboyant. Le plus flamboyant pour faire tenter les gros coups va beaucoup et depuis longtemps, on mise sur la stabilité à Détroit. Ça paye depuis longtemps. Ça paye. On est encore là, on est deuxième au classement là, dans l'Est avec 85 points. On est deuxième dans la Ligue même. Là. Donc, ça devrait... Non, ça va bien pour eux autres. C'est ça, ça va très bien. Nashville pourrait faire une transaction. On parle beaucoup d'André Costin qui pourrait aller rejoindre son frère du côté de Nashville. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir, donc? C'est plus qu'est-ce que le Canadien peut obtenir pour André Costin. C'est un joueur qui termine sa saison, qui va être agent libre sans compensation. Donc, en partant, ça fait baisser sa valeur de façon énorme. Ça va être peut-être un deuxième choix, un cinquième choix, un genre de paquet cadeau comme ça. Okay. Je pense pas qu'on va obtenir beaucoup. D'autres équipes que je verrais faire quelques mouvements, ben surveiller les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San Jose. Ça va pas bien du côté des deux formations. Présentement, on est en chute libre au classement. Chicago, 4 victoires, 6 défaites à leur dos à leurs 10 derniers matchs. San Jose, 3 victoires, 6 défaites, 1 défaite en prolongation. Donc ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien là, du côté de ces deux équipes-là. Soyez pas étonnés, moi j'ai l'impression que ça va bouger. Les équipes qui sont vendeuses. Columbus, sans surprise, bon dernier dans la Ligue nationale. On en a parlé beaucoup. Oh, ouais. Rick Nash devrait probablement se trouver une nouvelle maison. Déménager à la fin de la journée. Je vois mal Columbus garder Nash. Je veux dire, on a une formation. Ça fait quoi? Les Blue Jackets sont dans la Ligue depuis 2000. Ça fait un petit bout. Depuis 2000, Rick Nash est arrivé là, en 2004, 2005, j'ai un petit blanc là. Donc on a eu le temps de vivre un cycle, ça n'a pas marché. C'est peut-être le temps de passer à autre chose, d'aller voir si on peut pas aller... On va terminer dernier là, du côté de Columbus au classement. Les Canadiens travaillent fort pour ça aussi. Ouais, ça va très bien dans ce dossier-là pour le Canadien présentement. Hier encore, une autre défaite. Moi, là, je me demandais, je suis sûr que, bon, en tant que, je couvre pas les Canadiens à temps plein, donc je peux être partisan à temps plein, je les couvre même pas à temps partiel, à vrai dire. Mais, donc, je suis encore un peu partisan, mais est-ce que je suis le seul qui, lorsque les Canadiens comptent, j'applaudis, mais lorsqu'ils se font compter, j'applaudis aussi? Je suis pas déçu quand les Canadiens se fait compter. C'est sûr que là, à ce stade-ci. Ben, ça fait des années que je répète qu'à un moment donné, le Canadien se doit de planter, de faire le ménage, de faire le ménage. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à quel point est-ce qu'on est prêt à faire le ménage du côté du Canadien de Montréal. On est en Floride présentement. Tout l'état-major du Canadien se retrouve là-bas. Jeff Molson est là, Pierre Gauthier, Bob Gainey aussi qui est là. Donc Bob? Ben Bob, il est là. C'est, ben est-ce qu'il va, lui? Ah ben écoute, Bob, il fait son travail, son train-train quotidien là, derrière les rideaux. Il y a une rumeur qui a été lancée cette fin de semaine par Tony Marinaro, là, journaliste du côté de Team 99 à Montréal, qui disait que Pierre Gauthier n'aurait probablement plus les deux mains sur le volant. C'est-à-dire non, que c'est Molson. Puis qu'il va être tassé à la fin de l'année. Je pense que oui aussi. Là. Ben, qu'il va être tassé probablement. C'est mon impression moi aussi, même s'il a fait des bonnes transactions dernièrement. Là, j'ai l'impression moi aussi qu'il va être tassé, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est-à-dire qu'il est présentement, il est comme conseiller, il est payé à être un conseiller. C'est Jeff Molson qui dit oui ou qui dit non. Ou quelqu'un d'autre qui dit non, quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Ça se peut. Non, toi, tu peux... Ça se peut. Ouais. Peut-être. Moi, je trouve que ça a du sens avec la saison... C'était vivement démenti, par contre, par Jeff Molson lui-même. Ah! Donc, il a démenti ça. Pas vrai. Mais... Je suis pas mal certain que présentement, Pierre Gauthier demande un peu la permission. Ben, il tente le pouls, du moins. Ouais, je suis pas mal certain que c'est moi-là. Qui pourrait bouger du côté... Hey, tantôt, je vous parlais, là, on va parler là, de la Ligue nationale. Qui pourrait bouger du côté de la Ligue nationale les plus propices à bouger? Bon, je parlais de Los Angeles tantôt. Los Angeles, s'ils veulent bouger, ont quand même des monnaies d'échange intéressantes. On parle du gardien Jonathan Bernier, qui est un jeune gardien aussi très prometteur, mais en avant de lui, Jonathan Quick, il n'est pas le gars qui va pouvoir on va pas tasser Jonathan Quick pour Jonathan Bernier. Je pense qu'on est prêt à laisser aller Bernier contre bonjour, mais encore là, il a pas prouvé une tonne de choses, donc on peut pas aller chercher une tonne, mais dans un, comme je disais tantôt, un paquet cadeau, Jonathan Bernier peut être un joueur très intéressant. Même titre, je lance ça comme ça, mais à l'époque, Jocelyn Thibault et Patrick Roy, Jocelyn Thibault était encore un gardien très, très jeune, qui n'avait pas nécessairement fait totalement ses preuves, mais qui était très prometteur dans un paquet cadeau. Bon, OK, on s'entend. Il est rendu où, lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Thibault va être propriétaire des Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. À son propre... Va être, donc, il ne l'est pas encore? Ben, l'équipe... il l'est. C'est vrai, l'équipe n'existe pas. Que sur papier présentement, okay. Mais c'est dans ça là. A même lancé son propre complexe sportif du côté de Sherbrooke, deux glaces, puis tout ça. Donc c'est très bien fait. Ça va bien. Très impliqué dans la région. Ben, lui, il a joué son hockey junior là. Là-bas. Il a aimé ça. Ah, il a aimé ça. Sa femme doit venir là. Je sais pas. Tu sais, des fois, ça pèse dans la balance. Peut-être, là, mais j'en ai aucune idée là-dessus. Mais on parle, là, je te parlais de paquet cadeau, là, on parle beaucoup du côté de LA, Dustin Brown, le capitaine de l'équipe, et Jonathan Bernier, qui pourrait aller chercher Rick Nash, peut-être. Du côté de Columbus, on a de la misère avec les gardiens. Steve Mason qui fait pas le travail. Ben, gars, ça peut être une idée, là. Ça peut être une opportunité. Hein? Puis tu te débarrasses un peu de salaire parce que, bon. Ouais, c'est ça aussi, là. Dustin Brown fait 3,2 millions par année. Rick Nash fait combien? Rick Nash doit être à 6-7, là. Je l'ai pas comme ça, là. Tu me surprends un peu, là. Mais, probablement. D'autres joueurs qui pourraient bouger, on parle de Brandon Dubinsky du côté des Rangers. Paul Gostad, tu ne vas pas étonner. Derek Roy du côté de Buffalo aussi. Buffalo, ça n'a vraiment pas ça été une bonne année. Soyez pas étonnés si le gars d'Ottawa bouge un peu. On parle aussi bon du côté de Dallas. Steve Ott qui pourrait être une possibilité. Mason Raymond dans un fameux paquet. Paquet ça cadeau. Bien. Mason Raymond qui pourrait s'insérer. Il est agent libre avec compensation à la fin de l'année. C'est pas un mauvais joueur, Mason Raymond, mais si on veut aller chercher quelque chose du côté de Vancouver, ça pourrait être un des joueurs qui bouge. Un autre qui pourrait bouger, Lubomir Vishnovski, défenseur offensif du côté d'Anaheim. C'est une autre possibilité, donc c'est les joueurs. Du côté du Canadien, présentement, qui pourrait lever les feutres? Ben, Costin, ça... Costin, c'est une forte possibilité. Les Campoli, on va donner ça contre 3-4... 3-4... choix? 3-4 choix, là, environ, là. Pas 3-4 choix, excuse. Choix de 3e, 4e ronde, ça serait déjà merveilleux. Travis Moen, qui est une très forte possibilité. La question, c'est est-ce que le Canadien veut vraiment se débarrasser de Travis Moen? J'ai l'impression que... On l'apprécie un peu. On l'apprécie, Travis. C'est un joueur qui peut être utile. C'est un joueur qui a du caractère, qui a des bonnes épaules, qui est capable de défendre ses gars. Ses joueurs. Il joue bien dans les deux sens. Donc, je ne suis pas certain, mais c'est un agent libre sans compensation à la fin de l'année. Donc, peut-être. Mais là, c'est toujours le problème avec le Canadien. Les discussions de contrat à la milieu de saison, si on est certain de leur signer, on peut le garder, mais sinon. Markov, on touche pas à ça. Il n'y a pas personne qui veut donner Markov dans la Ligue nationale de toute façon. Thomas Caberlé, est-ce qu'une autre équipe est prête à tomber dans le piège Thomas Caberlé? C'est vraiment la question, comme le Canadien l'a fait lorsqu'ils ont fait son acquisition. Gros salaire, baisse de talent flagrante depuis quelques années. Mais en même temps, il a gagné la Coupe cette année l'an passé. C'est un défenseur. Une équipe qui cherche et qui est prête à payer. Si le Canadien est prêt à accepter pas grand-chose pour lui... Ça peut se faire, sinon on va avoir Thomas dans l'alignement l'an prochain. Je te parle aussi Plekanec. Certaines rumeurs disaient que Plekanec pourrait bouger. Je pense pas. C'est pas fait. Mais pourrait bouger, c'est une possibilité. On va voir ce que ça va donner. Là. Ben, ça dépend à quel point est-ce que du côté du Canadien, on est prêt à faire le ménage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça la question. Tu sais, on est prêt, bon, go, on repart à zéro, on repart sur des nouvelles bases. Plekanec, tu peux obtenir quand même quelque chose de très bien pour lui. C'est un excellent... sur une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, sur le deuxième trio, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, du talent, une bonne vision de jeu, rapide. C'est sûr que Thomas Plekanec peut être très, très utile. On va voir là, ce que ça va donner. Donc, c'est jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h aujourd'hui. Suivez ça sur vos réseaux sociaux, télévision, TSN. C'est tout en web diffusion. Je pense RDS aussi, TVA Sports, je ne sais pas. Là. C'est tout de la web diffusion. Donc aujourd'hui que ça se passe. Jusqu'à 15h, après ça, c'est fini. C'est la journée pour ne pas être actif au bureau. Il y en a plusieurs qui vont l'être. D'autres petites nouvelles là, en terminant rapidement. Cataract cette fin de semaine. Une victoire, une défaite pour les Cats. Ça s'est fait. On a été surpris par les Mooseheads d'Halifax vendredi, une défaite de 3-2. Et une victoire étincelante contre Moncton samedi 6-0. Ça n'a pas été très compliqué. 61 tirs pour les Cataracs dans cette victoire. Roman Will, là, qui l'a pas eu facile du côté de Moncton. 61 tirs. Je veux dire, même si t'as accordé 6 buts, ta moyenne n'est pas mauvaise. Ouais. Tu sais, t'as pas scrappé sa moyenne, mais ça sentait le caoutchouc à la fin du match. Les Shawinigan-X sont présentement deuxième au classement des Dockey Junior Major, devancés par un point. Et par les Sea Dogs de St. John's. Et ça va quand même bien aussi la vente de billets pour la Coupe Memorial? Ouais, je pense qu'on est à 80%. C'est sûr qu'on aimerait ça être à 100%, là, mais ça va se rappeler. On a d'ailleurs, là, on devrait faire quelques rénovations. On prévoit ajouter quelques places au centre Bionès, agrandir la galerie de presse aussi. Là, donc, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Du côté du Carowegui, des victoires cette fin de semaine. par la marque de... C'était vendredi, ça s'est terminé 6-5 à Windsor. On perdait 5-2 au début de la troisième. 6-5 la victoire. Et hier, facile, 8-1. Il y avait juste une équipe sur la glace. Là, le coup, le FM, c'est pas présenté. Donc, 8-1. Y a-tu du monde dans les estrades ou? 670, si je me trompe pas. Non, c'était calme, malgré... C'était un autre... Ben, Canadien jouait. Ça aide pas. Ouais, moi non, ça aide pas. Là. Ça aide pas. Et les Patriotes? 420, dans les 400 quelque chose. Là, donc, c'est correct. Pas super. Pour deux matchs dans la même journée, là, c'est pas toujours facile. Là. Et les Estacades de Trois-Rivières et Midget-Trois qui sont en séries éliminatoires mènent leur série 2-0 contre les Albatros du Collège Notre-Dame. Ça pourrait se terminer ce soir. Okay. C'est à Rivière-du-Loup. Formidable. Et voilà, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée de transaction, tout le monde. MZ1, espérant que ce soit actif. Ouais. Parce que sinon, les restes vont trouver ça long. C'est ça, il y en a qui vont trouver ça très long dans les studios. Mais comme je dis, ça a été très calme à date jusqu'à présent, très très calme. Donc attendez-vous à ce que ça y ait du mouvement aujourd'hui. Je pense que ça devrait bouger quand même pas pire. Quand est-ce que ça va devenir férié cette journée-là de transaction? Ah, ça serait le fun. Faites ça dimanche. Non, mais ça serait logique. Ben, c'est parce que ta chronique est le lundi. Ouais, il y a ça là. Mais non, mais là, j'ai fait un beau preview, là. Non, je sais, mais tu sais... Ouais, ça va être le fun, c'est pour ça que t'en parles. C'est ça. Ouais. À moins que tu reviennes demain. Non! Nicolas Ducharme et du sport, lundi prochain. Ouais. Si vous voulez, si le Canadien fait une grosse transaction, appelez-moi demain, puis... Ah, OK. On pourrait faire ça, hein? Ouais. Good. 8h30 lundi prochain, sinon, ben, peut-être demain. Peut-être demain, selon ce qui va se dérouler. Bye, Nick, merci. Au revoir. Merci. Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour ce lundi matin. On se retrouve demain entre 7h et 9h. On aura la présence de Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori, vers les 7h30. Sébastien Dulude et sa chronique, va voir ailleurs, j'y suis. Et Gabriel Degrasse avec sa chronique Loisirs et autres choses qui lui passent par la tête. Hein? Génial. Ouais. Donc, c'est demain à 7h. Restez sur nos ondes pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion des Palmarès c'est fou avec moi-même. Toi. Jasmine Raymond-Dréville. Oui, toi, ça. Toi, le petit, le grand. Toi. Le boudoir à 16h, tout ou bien à 17h. Le voyage insolite à 19h. Et on termine ça avec Simon Fitzbé et Catalepsie à partir de 20h. Allez voir sur cif.ca pour la programmation et sur assemblagerequis.com pour les balado-diffusion et les notes de l'émission. On se quitte avec Wood Pigeon et la pièce For Paolo. Et puis, passez une excellente journée. Merci, François-Olivier. Si, Mathieu Plante. Merci à Kiwan aussi. C'est vrai. Bye.